L'enfant questionneur. Pourquoi le soleil ne vient-il pas la nuit ? Disait Hippolyte à 4 ans. On verrait bien plus clair. Parce que c'est le soleil, lui répondit sa mère, qui fait le jour. S'il venait la nuit, il n'y aurait plus de nuit. Hippolyte fut très étonné. Il passait alors par une vaste rue. La lune se levait large, ronde et majestueuse. En voilà une toute neuve, dit-il. Où est celle d'hier ? C'est la même toujours, mais mieux frappée par le soleil, que nous ne voyons plus, et dont elle n'est que le reflet. Qui donc a fait ces deux belles choses si gaies ? Dieu, qui t'a fait une mère, et qui m'a fait un fils. Que je l'aime, et dis-moi, reprit-il avec un long silence, n'y a-t-il qu'un bon Dieu dans le ciel ? Un seul. Ah, tant mieux, répliqua-t-il avec joie. Pourquoi tant mieux ? C'est que s'ils étaient deux, ils se battraient, et alors ce ne serait plus le bon Dieu. Il ne faut pas juger Dieu d'après les hommes.